Yo, look at that. That's now. Scorpion, the boss and G. Scorpion, the boss and G. Come and get a microphone. De frénésie, en voilà, en voici. J'en vois d'un invraisemblable comme un scoop de voici. Les messies, c'est vraisemblable, les bras sont passés si. Pose ainsi afin que l'osmose se passe ainsi. Je revoque pour être précis, un hanchement tête en dents de scie. Un déhanchement sans merci, j'évoque ce qu'on apprécie. En tant qu'MC, libre à moi de faire comme Pepsi. Mettre un max de goût au fond pour faire wailer la sensi. Libra et la lame qui vient jusqu'à vous. Pour des bonnes vibrations, pas besoin de rendez-vous. J'vais en vous de faveur, une passion dont je me vous. Pas de mieux pour accélérer et retourner. C'est Libra et la lame qui vient jusqu'à vous. Pour des bonnes vibrations, pas besoin de rendez-vous. J'vais en vous de faveur, une passion dont je me vous. Pas de mieux pour accélérer et retourner. Seconde entrée en matière, sans cérémonie. J'vais là, je serai de manière à créer l'harmonie à chaud. Pour un effet digne d'une boisson d'une île, je veux qu'on me dise. Hey, Libra, c'est quoi de ouais, j'ai cette manie. Cube mini mais muni de principes que je manie. Sans vouloir faire de monie, j'aime donner. Sans reprendre plus compagnie. Mon Florent, ce coup de main sans poser compagnie. Mais c'est Libra et la lame qui vient jusqu'à vous. Pour de bonnes vibrations, pas besoin de rendez-vous. J'mets en vous de faveur une passion dont je me voue. Pas de mieux pour accélérer votre coup. Sunji et la lame qui vient jusqu'à vous. Pour de bonnes vibrations, pas besoin de rendez-vous. J'mets en vous de faveur une passion dont je me voue. Pas de mieux pour accélérer votre coup. C'est de la dancehall qu'on te propose, man. Uniquement de la bonne dancehall. C'est la dancehall qu'on te propose, man. Uniquement de la bonne dancehall. C'est la dancehall qu'on te propose, man. Uniquement de la bonne dancehall. C'est la dancehall qu'on te propose, man. Uniquement de la bonne dancehall. Ok. C'est bounce, baby, c'est bounce, baby, c'est bounce, baby, say. Baby, fuck bounce, baby, fuck bounce, baby, fuck bounce, baby, say. Baby, c'est bounce, baby, c'est bounce, baby, c'est bounce, baby, say. Baby, fuck bounce, baby, fuck bounce, baby, fuck bounce, baby, say. Bounce and one day. Comme on dit, ce charré varie d'ambiance. Sans perdre haleine, nuance, pas de la Woody. Mais d'un souffle énergique comme un garçon hardi. En gros j'ai l'appétit, l'heure elle est l'humour de Harry. C'est l'aise pour toute mélodie, la cause de jambes dégourlies. Et de grands gestes, très belles jambes, d'avoir la tête étourdie. Dans ce cas, cette ironie d'apprendre comme de l'inédit. Pavoisé comme Ronnie et bon comme on a dit. C'est Libra et la lame qui vient jusqu'à vous. Pour les bonnes vibrations, pas besoin de rendez-vous. Je mets en votre faveur une passion dont je me fous. Pas de mieux pour accélérer votre coup. Mais c'est amalgamer la lame qui vient jusqu'à vous. Pour les bonnes vibrations, pas besoin de rendez-vous. C'est la dancehall qu'on te propose, man. Uniquement de la bonne dancehall. Que la dancehall qu'on te propose, man. Uniquement de la bonne dancehall. C'est la dancehall qu'on te propose, good boy. Uniquement de la bonne dancehall. C'est la dancehall, que la dancehall, man. Uniquement de la bonne dancehall. Again, Babylon. C'est pour que la voix du peuple qui résonne. Sur le chiffre, le microphone qui résonne. Isabelle, Isol, c'est Babylon. C'est pour que la voix du peuple qui résonne. C'est bon. La voix du peuple résonne, c'est où l'on a dit qu'on a qui t'appelle Joy, c'est Babylon, c'est Babylon on the mic, champion de la mic, c'est Babylon, c'est la voix du peuple.